La direction du club de golf de Chibougamau-Chapaï, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Bonjour, ici Martial Bouchard, président du club de golf Saint-Prime-sur-le-Lac. En cette période de paix et de réjouissance, il me fait plaisir, au nom de tous les dirigeants et employés du club, de remercier tous les membres et les invités qui ont permis de connaître une belle saison 2016. Merci aux vénéreux commanditaires et nombreux bénévoles qui supportent notre organisation année après année afin d'offrir à notre collectivité et aux nombreux visiteurs un terrain de qualité à la hauteur des attentes des golfeurs. Joyeuse période des fêtes et bonne saison 2017. À l'aube de la nouvelle année, toute l'équipe de UAP Napa de Chibougamau profite de l'occasion pour souhaiter une très belle période des fêtes à toute notre distinguée clientèle et vous remercie de leur encouragement pendant l'année qui s'achève et vous demande d'être extrêmement prudent pendant cette période de réjouissance. UAP Napa au 890 3e rue à Chibougamau au numéro de téléphone 418-748-6426. Et régional. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local en parlant du hockey, des Saguenay de Chicoutimi qui ont obtenu une belle nouvelle hier, c'est que l'attaquant russe German Rutsov a obtenu sa libération. Il va pouvoir porter les couleurs des Saguenay au cours des prochaines semaines. Hier soir, Yannick Jean en est venu une entente avec la Fédération russe. Pour que Rutsov s'aligne avec l'équipe, maintenant, il ne reste que seulement qu'à avoir sa libération du côté de la Fédération internationale, ce qui devrait être qu'une formalité. Le 4 février prochain, la ville de Normandin va recevoir le match des anciens Canadiens contre une formation de l'endroit. Les profits seront versés aux Chevaliers Colons de Normandin. Ce matin, on a obtenu l'alignement qui va faire partie des anciens Canadiens. Parmi les joueurs les plus connus, on retrouve évidemment Enrico Ciccone. Il y aura également Patrice Brisebois, Jocelyn Lemieux, Stéphane Richer et Francis Bouillon. L'entraîneur-chef sera Yvon Lambert. Maintenant, on va parler de golf. Le golfeur Pierre-Alexandre Bédard a passé la période des fêtes à Chibougamau. Il a pris le temps de se reposer. Ce matin, dans la section entrevue de danseport.com, on lui a parlé et il nous a parlé de qu'il a bien apprécié sa période de repos à Chibougamau. Dans la section entrevue de danseport.com, hier, on a parlé avec Pierre-Alexandre Bédard. Pierre-Alexandre Bédard a passé une belle période des fêtes. Il a pris le temps de se reposer, de recharger les batteries avant de s'en aller en Floride. Et c'est ce qu'il nous a confirmé hier sur les ondes de danseport.com. J'ai joué au hockey pas mal, en fait. Okay. J'ai joué deux fois par semaine, puis je me suis entraîné au conditionnement physique à peu près autour de deux, trois fois par semaine aussi. Okay. Donc, ça m'a permis de garder une certaine bonne forme physique, là, juste assez bien là, pour bien me sentir, travailler un petit peu la musculation, le cardio, puis c'est vraiment... C'est vraiment du bon sens. Et dans un deuxième temps, Pierre-Alexandre Bédard nous mentionne qu'il aimerait jouer un tournoi par semaine en Floride. Mercredi prochain, okay. Je m'en vais là-bas avec Max Gilbert, qui est okay. Un joueur du PGA Tour Canada, un Québécois. Il y a beaucoup de tournois. Il y a une possibilité de jouer plusieurs, à peu près 3-4 tournois par semaine. Souvent une journée à deux journées. Je vais regarder là-bas, en fait, comment je me sens tout le temps. J'ai l'intention de jouer quand même plusieurs tournois là, cet hiver. J'aimerais ça jouer en moyenne autour de un tournoi par semaine ou deux semaines. Okay. Pour me préparer vraiment comme il faut pour mes qualifications là, en avril, du 17 au 21 avril. Donc, tout dépendant de comment je me sens, si je sens que j'ai besoin de pratiquer un petit peu ou de jouer les tournois, de me mettre en bonne condition, c'est sûr que ça va dépendre. Mais probablement qu'au mois de mars, fin mars, début avril, c'est là que je vais jouer le plus de tournois. Et dans un dernier temps, Pierre-Alexandre Bédard nous mentionne quel est sa plus gros objectif pour l'année? Écoute, c'est une bonne question. C'est sûr que la grosse objectif que j'ai en tête depuis plusieurs semaines, là, c'est vraiment de me qualifier pour le circuit canadien l'année prochaine. Okay. Les Q-School, en fait. Puis... Ça, c'est l'objectif majeur. Ensuite de ça, je vais voir, c'est sûr, parce que tout dépendant sur quel circuit que je vais avoir à jouer après ça, ça va ça, mes objectifs vont être vont différents. Mais non, c'est sûr que c'est le je joue sur le circuit canadien. Puis ensuite de ça, je vais déterminer aussi des objectifs là, plus en côté performance, améliorer un petit peu mon scoring average, là, qui est ma moyenne de pointage. Donc, c'est ça. Et c'est ce matin qu'aura lieu à 11h les funérailles de la mère de Michel Goulet, qui est décédé cette semaine à l'âge de 91 ans. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Pascal Jobin, où on fait la chronique de la NBA. Sport de la Calais régionale à danradiosport.com.